Chapitre 111 Nouveau défi. Après être allé sur Mars, le Français a contracté une énorme blessure l'éloignant des terrains définitivement. 6 ans plus tard, il a pour objectif de participer une nouvelle fois au plus grand show du ballon rond. Il y a 18 mois, le Toulousain se voyait s'ouvrir un poste de coordinateur web football pour la sélection suisse. Son rôle est de synchroniser la décision des supporters VIP et ce qu'il se passe sur le terrain. Pour le moment, sa mission est une réussite. Il est en passe de faire qualifier la Nati dans une compétition qu'ils n'ont pas connue depuis 30 longues années. Pour décrocher ce fameux billet, il faudra être meilleur que le Wake, le Pakistan et le Québec. Pour les demi-finales, Wake affrontera le Québec alors que la Suisse sera opposée au Pakistan. Nous pourrions avoir une finale 100% francophone, ou pas. La tâche ne sera pas facile pour les hommes de Killer Crush 23. En effet, les Pakistanais ont brillé durant les qualifications en s'offrant le luxe de sortir le Qatar en quart de finale des qualifications. L'ancien géant qatari a tout perdu et sera absent pour la première fois depuis 2022. Mais la belle aventure pakistanaise a été stoppée par une autre surprenante nation, la Malaisie. Pour l'heure, Killer Crush 23 doit préparer ses petits gars à la rencontre historique qui les attend, les opposant au Pakistan. La Suisse dispose d'un avantage considérable, le terrain. En effet, le match se jouera chez le voisin français, en région Rhône-Alpes, à quelques minutes de Lyon. Pour les barrages intercontinentaux, c'est la France qui a obtenu l'organisation des 3 matchs à enjeu. En plus de cela, l'Hexagone ouvrira ses portes aux rencontres du groupe de l'équipe de France pendant le Mondial. Les demi-finales du tournoi final trouveront refuge sur l'île de Pâques. L'ancienne terre chilienne a brillé durant l'organisation des EA Games 2055 et confirmera cela pendant la prochaine Coupe du Monde. Après la finale sur Mars en 2050, la EA Sports Fédération a décidé de frapper une nouvelle fois un grand coup. Leur objectif est de devenir l'événement sportif le plus regardé de l'histoire. Pour cela, la rencontre se jouera dans un lieu inconnu et sera diffusée en direct holographique dans les 319 territoires affiliés EA. Ainsi, des stades seront ouverts, rénovés ou construits partout dans le monde. Un pays comme la France diffusera holographiquement le match des 55 stades avec une moyenne de 30 000 spectateurs, soit un total d'environ 2 millions de Français au stade. Certes, les îles Vierges britanniques n'auront pas une telle audience, mais chacun apportera sa pierre à l'édifice de ce mondial. Chapitre 112 L'Europe n'a pas dit son dernier mot. La Suisse n'est pas le titan footballistique que sont la France, la Chine, l'Inde ou le Japon, mais leur niveau commence à monter. L'USB Zurich évolue dans l'antichambre d'une méga-ligue européenne. Voulant profiter de la notoriété française en Europe, les pays voisins ont lancé la Golden European League, mais également la Silver European League et la Bronze European League, plus communément nommées EL1, EL2 et EL3. Chaque division compte 10 franchises qui espèrent un jour atteindre une ligue majeure. L'USB Zurich a failli décrocher un billet pour la EL1, mais la place a été acquise par une autre équipe surprenante. Landy Barclays of London. Une célèbre entreprise bancaire anglaise a ouvert ses portes à une équipe composée exclusivement de personnes atteintes de cécité. Étant déficient visuel, le pari était risqué. Les premières années, la EA Sports Fédération imposait aux adversaires de la HBL de jouer dans un stade totalement plongé dans le noir. Seuls les arbitres, supporters et capitaines, qui restaient sur le bord du terrain sans jouer, pouvaient voir la rencontre. Les joueurs devaient se faire confiance et parler un maximum. Après quelques mois, la HBL a mis en place un système sonore de haute technologie afin de rivaliser à la lumière du jour. Plusieurs spécialistes guident les joueurs sur le terrain et ça marche assez bien. Pour preuve, les Londoniens joueront en Golden European League et on leur promet un brillant avenir, et spécialement dans une ligue majeure asiatique. Pour le moment, une seule franchise a réussi à réaliser ce tremplin. En effet, les Lakers de Karlstadt, emmenés par les héritiers de la célèbre franchise de basketball de Los Angeles, ont obtenu une licence pour la Japan Master League depuis l'exercice 2056. Les Suédois font donc office d'exemple et notamment pour l'Andy Barclays of London, l'USB Zurich ou encore l'UKIO Kaunas. L'équipe londonienne peut compter sur un équilibre financier exemplaire, mais surtout sur une énorme couverture médiatique. Chapitre 113, c'est la France qui régale. Au niveau mondial 2056, les trois rencontres qui détermineront le dernier qualifié ont trouvé refuge en France, et plus particulièrement dans le Rhône-Alpes pour les demi-finales. Le match entre Wake et le Québec sera accueilli par le stade Éric Abidal de Saint-Genis-Laval, alors que Pakistan-Suisse inaugurera le stadium de Neuville-sur-Saône. Alors que la première enceinte existe depuis des années, la seconde a été créée spécialement par la eSports Fédération. Pas habitué aux rencontres de haut niveau, Neuville-sur-Saône se contentait d'un tournoi international junior de football depuis plusieurs décennies. Aujourd'hui, la petite commune de la métropole lyonnaise pourrait devenir le stade d'une nouvelle franchise, implantée à quelques mètres de cette ville, les Dobermans de Fleurieu-sur-Saône. En guise de grande répétition, le stadium verra Killer Crush 23 diriger les joueurs suisses contre le Pakistan. À noter que la finale de ces barrages se disputera au stade de Gerland, qui s'était éteint ces dernières années, footballistiquement parlant, au profit du stade des Lumières. Pour l'occasion, le stade pourra se remémorer les belles performances lyonnaises il y a un demi-siècle. Nostalgie quand tu nous tiens. La rencontre entre la Suisse et le Pakistan tourne assez rapidement et facilement à l'avantage des Suisses. Les hommes de Killer Crush 23 l'emportent 7-1 et ne sont plus qu'à une marche du Mondial 2056. Pour y arriver, ils devront se défaire du Québec. Très longtemps boudé par la eSports Fédération, le territoire canadien a réussi à obtenir l'invitation pour ses éliminatoires. En se hissant jusqu'à la finale, les Québécois ont prouvé leur haut niveau. Killer Crush 23 retrouvera une vieille connaissance sur le terrain. Ancien adversaire des Bleus, Caribou 123 défend encore les couleurs de la sélection malgré son grand âge. Lyon sera donc le témoin de cette lutte acharnée entre deux francophones, dont l'objectif est d'aller défier les gros morceaux du football mondial. Deux nations au destin très différent. Malgré ses allures de petit poussé, le Québec a utilisé des moyens assez originaux pour arriver là. Chapitre 114, des caisses propres. En 2056, toute nation candidate à la participation du mondial doit être irréprochable financièrement. Les livrets de finances doivent être propres afin de pouvoir assumer tous les futurs éventuels frais. Très loin des titans français ou chinois, le Québec ne détient aucun fonds de l'État pour le ballon rond. En ce sens, la région canadienne est allée demander de l'aide sur le vieux continent. Caribou 123 s'est envolé pour l'Ingouchie, ancienne région russe, pour rencontrer un homme d'affaires ayant fait fortune dans le BTP, et notamment le revêtement de sol. Afin de donner toutes les chances nécessaires au Québec pour disputer le Mondial 2056, un dénommé Araï Caras a sorti le chéquier. Profitant de ses moyens, le Québec a bénéficié d'aide pour atteindre le précieux objectif. Des Canadiens se sont fait naturaliser québécois, mais également des Américains ou des Français. Le 11 est devenu l'un des plus puissants du continent. Malheureusement, deux nations américaines ont été plus fortes qu'eux, l'Argentine et les États-Unis. Le Québec s'est tout de même payé le luxe de sortir le Mexique, la Colombie, le Costa Rica, mais surtout le Brésil. Pour l'investisseur du Québec, ces barrages ne sont que des formalités. La Suisse ne sera qu'un petit obstacle pour rejoindre les 12 meilleures nations du monde du football. Les frais engagés dans ce pari nord-américain ne peuvent pas se conclure par autre chose qu'une qualification. Le Québec ne voudra laisser aucune chance d'espérer voir une autre équipe que les Caribous sortir vainqueur de la lutte à Lyon. Chapitre 115. David contre Goliath. C'est donc une vraie guerre qui va se dérouler entre Suisses et Québécois. Mais on ne peut pas parler de duel entre riches et pauvres. La Suisse n'est pas non plus en manque de fonds comme a pu l'être la France en 2050. La Nati a pu compter sur l'aide d'entreprises telles que Roulex, USB ou encore Mestlé. Mais le coup de pouce est plus un signe de patriotisme plutôt qu'un placement financier. L'argent de l'Ingouche n'est pas très bien vu. Les observateurs ne savent pas d'où sort cet Araï Caras et où il a pu trouver les dollars PF. Un jour, la vérité éclatera. Mais en attendant, la Suisse et le Québec ont un match de football à disputer. Le Québec s'appuie fortement sur sa délégation étrangère. Pour information, en 2050, la France avait battu les Québécois 4-1. Comparé à ce soir, seul Caribou 123 était déjà à l'époque sur le terrain. Les 10 joueurs sont arrivés en même temps qu'Arras. Pour l'anecdote, côté français, un certain Killer Crush 23 avait porté le maillot des Bleus. C'est donc une équipe québécoise totalement remaniée qui va tenter de faire tomber les Suisses et les empêcher de placer une quatrième nation européenne ou mondiale. Le Québec veut accompagner le voisin américain et les Argentins dans la plus grande compétition de football. L'enjeu est véritablement énorme. Le stade de Gerland ouvre ses portes rempli de bons souvenirs. Dans les tribunes, les organisateurs ont voulu rendre hommage à l'histoire du club. On trouve des photos de Juninho, Grégory Coupé, Serge Chiza, Chris ou encore Raymond Domenech. Une tribune porte même le nom de Jean-Michel Aulas. Après avoir vu les 7 titres de champion de France consécutifs, Lyon va offrir le dernier billet pour le Mondial 2056.